Bienvenue en fait à vous à cette formation du commerce Amazon. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose à savoir, c'est que Amazon, c'est déjà la plus grande société de commerce au monde. Ensuite, je pense que chacun de vous quand même connaît Amazon. Et quand on dit Amazon, je dis Amazon n'est plus vraiment un secret pour quelqu'un. Et donc, par rapport à ça, je pense que nous n'avons pas trop tardé là-dessus. Ceci est juste une généralité, ceci n'est pas la généralité. Nous allons parler des points quand même qu'il faut savoir avant de commencer réellement en fait avec l'affiliation Amazon. Bon, affiliation Amazon, le commerce Amazon, c'est un peu la même chose parce que vous savez, même Amazon elle-même, elle trouve que Amazon elle-même trouve que dire affiliation Amazon, c'est un peu trop. Je vais dire bizarre. Parce que, je me donne là des bizarres. Bizarre pourquoi? Parce que généralement, affiliation est utilisée dans d'autres systèmes de business où lorsque tu fais rentrer quelqu'un, tu gagnes une commission. Mais en fait, ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas que lorsque vous faites intégrer quelqu'un dans le système dans le système d'Amazon, vous êtes rémunéré. Non. Donc vous êtes plutôt rémunéré en fait lorsque tu achètes un coup. Et puis c'est un système de commerce un peu comme le dropshipping qui n'est pas le cas. Et voilà, donc chaque système en fait de commerce en fait a sa spécificité. Quand vous voulez chez Bifa, ça a sa spécialité, sa spécificité par rapport à lorsque vous voulez commerce, sa spécificité, etc. etc., etc. Alors, Amazon, en fait, comment ça marche? Avec la publicité en ligne, l'affiliation en fait est très certainement la solution la plus populaire pour gagner de l'argent grâce en fait à ces sites internet, je veux dire. En parenthèse, ce qu'il faut retenir aussi ici, c'est que quand nous parlons de Amazon ici, il faut savoir que vous avez la possibilité en fait de travailler avec Facebook, avec Instagram, avec YouTube, quand avec tout type de plateforme quand même sur lequel en fait vous pourrez drainer du monde, sur lequel vous pouvez envoyer du trafic. Alors moi, je m'autorise ou bien je vais dire que je ne vais essentiellement parler que de site web parce que c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est vraiment plus optimisé. Une page Facebook, ça peut se faire, mais ça va prendre beaucoup plus de temps en fait à rentabiliser qu'un site web. Pareil pour les autres aussi. Alors, le principe est très simple. Très simple. On recommande le produit d'un partenaire aux gens. Je vais dire au prospect, parce qu'un prospect, c'est quelqu'un que vous avez attiré via votre trafic et à qui vous voulez vendre un produit. Et donc, c'est un on recommande un produit à un partenaire ou bien à un prospect. Et lorsqu'un visiteur passe une commande via vous, via votre lien, via le lien du produit que vous avez généré, le partenaire en fait vous verse une commission. Quand je veux dire partenaire, c'est que Amazon en fait vous fait une commission. Donc pour illustrer cela en fait par un exemple concret, disons que vous disposez genre d'un site de niche. Déjà, nous allons revenir à ça, à ce qu'on appelle une niche. Une niche en gros, déjà, c'est un secteur d'activité en fait dans lequel vous êtes. Vous avez la possibilité de vous mettre dans le dans la niche high technology, plus précisément dans tout ce qui est gaming. Vous pouvez vous spécialiser dans tout ce qui est outils de téléphone ou bien matériel de bureau, etc. Dans le même temps, vous pouvez vous avez la possibilité d'être dans une niche, par exemple comme la mode, comme la cuisine, comme le jardinage, comme tout ce qui est animalerie. Donc voilà. Alors pour illustrer, en fait, il a pas un exemple concret. Disons qu'en fait que vous disposez d'un site de niche et sur les aspirateurs par exemple. Et qu'un visiteur par exemple, il consulte votre site. Donc vous avez traîné ce visiteur là sur votre site. Vous allez rédiger votre description. Maintenant, le visiteur en fait, il a décidé genre de commander. Il a passé la commande via votre lien. Via votre lien affilié, le lien que vous avez généré par rapport au produit. Alors là, la rémunération en fait de votre produit s'élève à 7%. 7% parce que vous savez, par rapport en fait à votre niche, le pourcentage de commission est variable. Vous voyez, toutes les niches n'ont pas le même taux de commission en fait. Donc, par exemple, pour les aspirateurs, nous sommes à 7% de commission. Et donc, si par exemple l'article il coûte 509 €, la commission sera de 35,63 € juste pour cette vente. Et si par exemple il prend 2-3 produits, vous allez prendre votre commission toujours multipliée par 2 par 3. Ensuite, l'e-commerce Amazon, c'est pour qui? Déjà, Il faut savoir qu'en fait, c'est un business bien plus simple que le lancement d'une boutique e-commerce ou de dropshipping. C'est beaucoup plus simple, c'est un système beaucoup plus simplifié, mais qui permet quand même de gagner dans la moyenne du même volume de vente quand même que ceux qui font en fait du dropshipping. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que ça veut dire que c'est plus facile non plus, car il va falloir en fait apprendre. Il va falloir apprendre en fait à créer un site, à le rendre performant. Mais rassurez-vous ici, en fait, le site, on va vous fournir un site particulièrement pour le e-commerce, à le rendre performant, à choisir en fait les bonnes niches, à convertir et en fait à le faire connaître en fait au plus grand nombre grâce au référencement naturel et à la PPL que nous allons aussi aborder. Le référencement naturel, il faut entendre que c'est tout ce qui est stratégie, SEO, tout ce qui est, je vais dire, hashtag, tout ce qui est... En tout cas, nous allons parler du SEO dans un module, dans un module précis. Vous verrez vraiment de quoi il est question. Quand nous parlons de SEA, c'est la publicité payante. Mais il faut d'abord retenir en fait que SEO, en fait, c'est l'ensemble des stratégies en fait, que vous mettez en place qui... dans lesquels vous ne dépensez pas un seul franc ou bien un seul euro en publicité. Vous me comprenez? Donc, je vais dire quoi par là? Par exemple, faites une publication. Avant de poster la photo, vous avez optimisé en fait les balises en fait, de votre publication, de votre photo. Vous avez posté vous avez une publication par exemple Facebook. Vous postez, vous référencez genre le titre, les légendes, la description, il faut l'automatiser en fait avec des mots-clés assez pertinents, mais il faut quand même le rendre assez naturel. Ensuite, il y a les hashtags, etc. etc., etc. Nous allons parler du SEO après, dans un autre module. Pour le moment, c'est la généralité. Ensuite, les sites de niche d'affiliation Amazon en fait conviendront particulièrement, parfaitement et particulièrement aux personnes qui souhaite dans un premier temps créer des revenus complémentaires et ensuite à terme augmenter en fait progressivement et genre les revenus en fait sur vos sites jusqu'à générer suffisamment en fait un revenu intéressant et stable pour pouvoir en vivre confortablement. Donc oui, en fait dès le début ça va être forcément un revenu complémentaire par rapport à ce que vous faites déjà et puis par la suite quand vous allez persévérer, quand on va commencer réellement à donner, vous allez voir que vous allez vous pouvez en fait vous contenter uniquement de ça. Et alors pour réussir dedans, il va falloir en fait allier plusieurs qualités: patience, persévérance, motivation. Peu importe en fait votre niveau actuel, que ce soit dans la création de sites, par rapport au référencement ou à la rédaction de contenu, nous allons aborder tout ça. Il faut savoir en fait que si vous ne réussissez pas en fait ces trois qualités, vous aurez assez de difficultés en fait à atteindre les résultats en fait satisfaisants. Et donc, de ce fait, on se rend compte en fait que le processus en fait du commerce, c'est très simple. Nous partons du choix du produit à la vente. En fait, c'est tout. C'est juste en fait qu'il y a des étapes essentielles en fait que vous devez maîtriser, tout simplement. Maintenant, je peux comprendre que certains vont se démotiver après de longues semaines de travail, après des mois, voire même des années. Moi qui suis ici, j'ai pratiquement pris 3 ans en fait avant de faire ma première vente sur Amazon. Vous comprenez en fait un peu de quoi je vous parle. Alors, ça ne sera pas le cas pour vous parce que si vous avez pris une formation, en fait, c'est pour prendre des raccourcis. C'est pour choisir en fait un chemin beaucoup plus rapide pour vous. Alors, comme je le disais, je peux comprendre que beaucoup, si vous n'avez pas assez de patience, vous allez vous démotiver. Mais il n'est pas question de se démotiver. Pas question. Et donc, par rapport à ça, vous devez savoir que pour réussir, il faut se lancer quand même et se faire en fait à l'idée que les premières ventes peuvent arriver peut-être au bout de peut-être 5, 6 mois, voire même un an. Honnêtement, disons les vérités cash. Mais lorsque vous avez un calendrier, lorsque vous avez un planning, où vous vous donnez en fait à fond, vous allez en fait voir que vous allez y arriver en fait dans les brefs délais. C'est tout. Donc il ne faut jamais se décourager, continuer en fait à bosser sur son site et sur son networking pour vous donner en fait suffisamment de visibilité. Le dernier point en fait que je souhaite aborder par rapport à pour qui ce business en fait est attribué ou bien est je vais dire conçu. Je peux le dire ainsi, c'est que je souhaite en fait aborder la question de temps. Pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas en fait vous libérer au moins une heure par jour, au moins une heure par jour, vous risquez en fait de trop ramer et les résultats en fait seront d'autant plus lents en fait à arriver. Donc vraiment, c'est une question de temps. Plus vous donnez du temps en fait à cette activité, plus vous allez chiffrer. Plus vous donnez en fait à cette activité, plus vous allez rentabiliser, tout simplement. Donc avec une heure de taf par jour, plus je vous assure que si vous êtes assez productif, quand même, vous allez avancer efficacement. En bref, si vous êtes motivé, si vous êtes persévérant et que vous arrivez à vous libérer suffisamment de temps pour travailler sur vos sites, c'est que genre, vous doublez un peu en fait vos chances de parvenir en fait à d'excellents résultats, vous voyez, sur le long terme. Et en tout cas, de mon côté, quand même, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer en fait cette activité sérieusement, sérieusement après, disons, mon bac, juste après mon bac, j'ai démarré. Quand je dis sérieusement, c'est que je travaillais réellement, mais je n'avais pas de résultats. Pendant 3 ans, il m'a fallu apprendre 3 ans pour commencer en fait à avoir des résultats. Et comme je l'ai dit, ça ne sera pas vraiment le cas pour vous, ça ne sera pas le cas pour vous. Et donc, voilà, quelques heures de travail et tout, ça ne tue personne. Vous pouvez même travailler tard dans la nuit, ce n'est pas un problème. Maintenant, par rapport en fait aux commissions, à combien ils s'élèvent les commissions? Je pense que je vais vous mettre le tableau là. Comme je vous l'ai dit, genre, les commissions en fait, ça varie en fonction de la niche. Par exemple, quand nous prenons la niche beauté, par exemple, la niche beauté, nous sommes entre 11 et 12% de commission. La niche beauté seule, bon, pardon, la niche mode, 11 et 12%. La niche beauté, 10%. La niche auto et moto, 7%. La niche maison et jardin 7-8%, la niche cuisine 7%, bricolage 7%, loisirs 6-7%. Et donc, je suis moi personnellement présent dans la niche high-tech. High-tech qui est 10%, je ne l'ai pas dit. Et je suis aussi présent en fait dans tout ce qui est sport. Voilà. J'ai plusieurs boutiques. Donc, voilà. Les catégories en fait à éviter sont les catégories mourantes. Par exemple, lorsque vous pensez en fait que une niche elle n'est pas trop exploitée, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas trop exploitée, c'est à cause en fait de la faible demande. Ouais, et donc ça devient compliqué en fait de réellement trouver des acheteurs. Alors comme je le disais, vous avez cette bonne raison en fait d'avoir un site de niche. Vous devez en fait choisir une seule niche parce que lorsque vous choisissez par exemple plusieurs niches, vous serez éparpillé. Vous n'aurez pas tout le temps, vous ne saurez pas en fait quelle audience cibler. Ouais, donc le e-commerce, c'est devenu tellement aujourd'hui rude qu'aujourd'hui on ne limite, on ne parle même plus de niche. Avant on créait des sites par niche, aujourd'hui des fois on est obligé de créer des sites uniquement par produit. Ça veut dire qu'un produit par exemple peut remplacer une niche. Quand je dis un produit peut remplacer une niche, je veux parler de quoi? Par exemple, si par exemple je suis de la niche high-tech, par exemple, et que j'ai l'habitude de vendre des autres, et que genre, je peux vendre des ordinateurs, des téléphones, des PlayStation, etc., la concurrence est tellement devenue rude aujourd'hui que la vente uniquement de PlayStation peut être, disons, littéralement ma niche. Alors, je disais, en fait, moi je vous conseille quand même de travailler avec un site internet parce que je vous l'ai dit. Facebook, vous pouvez travailler avec Instagram, vous pouvez travailler avec, mais un site c'est toujours conseillé parce que les 7 bonnes raisons d'avoir en fait un site, les voici. Le premier point de vue de la première raison, c'est que ça vous permet en fait de générer en fait des revenus récurrents et passifs. Parce que le plus gros avantage en fait de la création d'un revenu vraiment passif, c'est que ça fait pas en fait ajouter déjà à ce que vous avez déjà. Vous voyez, donc en plus ça donne forcément deux. Mais en fait il faut savoir que avec un site ça marche toujours mieux qu'avec une page Facebook ou qu'avec un compte Instagram. Ça ne veut pas dire que avec un site ça va se faire tout seul. Non, faudra encore du travail. Mais en fait il y a un gros travail en fait à fournir en fait dès le lancement. Parce qu'il va falloir en fait gérer la réputation, va falloir gérer en fait le trafic sur le site. Et puis c'est avec le temps en fait que vous allez avoir des visiteurs de façon régulière. Mais les débuts seront un peu compliqués parce que les gens feront vraiment attention à l'arnaque, etc. Parce qu'un site, C'est un peu comme une entreprise, en fait, que vous, genre, que vous créez. Et vous demandez, en fait, aux gens de venir acheter. On prend un exemple simple. Est-ce que vous êtes capable, genre, de venir mettre, par exemple, 500 euros, genre, sur un site que vous ne connaissez pas, par exemple, pour commander un truc? Ça va être très compliqué. Or, c'est ce que vous voulez demander, en fait, aux gens. Vous voyez déjà le travail qu'il y a à faire. Et puis, ça passe par plusieurs trucs. Donc, avec le temps, ça va se faire tout progressivement. Alors, il faut savoir que genre, c'est le lancement, en fait, qui va demander, en fait, le plus d'énergie, en fait, et de moyens, sans savoir ou bien sans avoir pour autant de résultats sur le coup terme. Vous allez travailler énormément, mais vous n'aurez pas, en fait, les résultats de façon rapide. Et donc, il faudra ensuite tout mettre en œuvre pour donner de la visibilité, en fait, à votre site ou bien à votre projet SEO. En somme, il faut fournir, en fait, pas mal d'efforts pour que, en fait, votre site arrive dans le top Google. Parce que lorsque vous allez créer le site, l'objectif sera que, par exemple, lorsque quelqu'un tape un produit ou une phrase ou un truc par rapport, en fait, à ce que vous faites, il faut que votre site, en fait, se retrouve dans les premiers résultats de Google. Vous voyez la concurrence que vous avez déjà, mais ce n'est pas impossible. Vous avez quand même toutes les armes nécessaires. Bien, je vais dire par la suite, vous aurez quand même toutes les armes nécessaires pour y arriver. Donc, une fois, en fait, que votre site de niche, en fait, est bien ranké, c'est-à-dire est bien positionné, en fait, sur Google, et qu'il est bien optimisé pour les conversions, en fait, vous n'avez plus rien à faire. Tout se fait de façon automatique. C'est tout. Tout se fait de façon automatique. Et donc, c'est à partir de là que vous allez, en fait, pouvoir générer, en fait, des gains réellement passifs et que vous allez pouvoir passer, genre, au site de niche en toute sécurité ou bien en toute sérénité. Quand je dis en toute sécurité, c'est que, genre, vous n'aurez plus vraiment d'inquiétude à vous faire. C'est vrai que en principe, on dit généralement que pour vendre, il faut faire forcément de la pub, mais pas forcément. Et comme je vous l'ai dit, lorsque vous arrivez, en fait, à bien vous ranker sur Google, ce qui est très difficile, imaginez, en fait, tous les sites concurrents, en fait, que vous avez. C'est vrai que lorsque vous n'avez pas encore des résultats, vous êtes obligé, genre, de faire tourner avec de la publicité payante, Facebook Ads ou Google Ads. Et donc, vous êtes obligé, vu que c'est de la publicité payante, vous allez forcément drainer du monde au lieu d'attendre, en fait, aller dans les premiers résultats de Google avant de commencer, en fait, à générer des ventes. Parce que lorsque les gens vont taper, éventuellement, ou bien sûrement, les gens vont cliquer, en fait, sur les premiers sites, en fait, que Google le suggère. Avant d'arriver, en fait, là-bas, c'est un énorme travail, vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, vous avez la liberté géographique comme deuxième point, en fait, d'avantage, en fait, d'avoir un site. Parce que dès lors, en fait, que vous allez atteindre, en fait, l'indépendance financière, vous serez entièrement libre de travailler où vous le souhaitez, en fait, avec votre site web. Que ce soit à la maison, dans un bureau, par exemple, comme le mien, dans un bureau. Là, je ne suis pas à la maison, mais je travaille, en fait, moi aussi. Dans un espace de coworking, dans votre chambre, à l'hôtel. Genre, vous serez vraiment libre, en fait, de travailler, en fait, où vous voulez et où ça vous convient le mieux. Moi, personnellement, en fait, quand j'ai commencé, en fait, à travailler sur mes sites, je bossais, en fait, là-dessus à la maison. J'étais à la maison tout le temps et tout. Ou bien, même à l'université, je bossais quand même, genre, sur mes boutiques, sur mes sites, je vais dire, de n'importe où. Parce que, je le dis parce que ça ne veut pas dire, bon, on pourrait aussi dire que vous pouvez, en fait, travailler là-dessus, même avec votre page Facebook, parce que c'est un truc que vous avez dans le téléphone, sur votre ordinateur, c'est possible. Donc, disons, c'est un avantage quand même qui rejoint les autres. Mais je trouve qu'un site, ça marche beaucoup mieux. Sans être influencé, en fait, par votre position géographique. Parce que lorsque, par exemple, vous allez prendre une page Facebook et que vous allez changer de lieu géographique, en vrai, on ne vous le dira pas, mais certaines choses, en fait, vont changer sur votre page. Les suggestions, les gens... Parce que pourquoi vous êtes, par exemple, au Bénin, et puis sur votre page, on vous suggère des numéros ou bien on vous suggère, en fait, des personnes béninoises. Vous allez me dire c'est à cause du numéro, mais oui, c'est le numéro, mais il y a aussi, en fait, l'aspect géographique en vrai qui intervient. Donc voilà, une liberté temporelle comme troisième point, je trouve, parce que comme on est entièrement libre quant à l'organisation, parce que vous travaillez, en fait, avec un site web, vous pouvez, en fait, travailler à toute heure de la journée, à n'importe quel jour, c'est en fonction de votre planning, vous voyez, puis être vraiment discipliné, avoir un planning cohérent, vraiment dans lequel il y a de la logique, et lorsque vous allez vous donner, en fait, vraiment à ça, exécuter en fait votre programme, ça va passer tout naturellement. Il faut vraiment en fait se donner en fait cette discipline là. Et donc, que vous aimez en fait bien faire, les grosses matinées ou bien bon, c'est tard le soir, ou bien travailler en week-end et tout, l'important en fait c'est de réserver suffisamment en fait de temps en fait à votre site pour vraiment travailler, être assez productif, peu importe les moyens en fait que vous allez mettre en œuvre. Et donc quand on se lance en fait dans l'aventure, ce n'est pas forcément rose. Il y a tout un empire, parce que c'est oui, il y a tout un empire, c'est un empire en fait que vous devez construire. Et les résultats en fait ne sont pas instantanés, j'insiste là-dessus. Mais une fois en fait que vous avez votre site qui commence en fait à bien tourner, ou bien vos sites qui commencent quand même à bien tourner, vous allez pouvoir en fait prendre plus de temps en fait pour vous, en déléguant par exemple genre certaines tâches et tout, genre les lancements, les suivis de pub, etc. La rédaction en fait de vos lignes et tout. Donc ça vous fera gagner quand même un temps précieux et vous pourrez en fait avoir du recul en fait genre, sur d'autres projets que vous avez. Le quatrième point que je juge le meilleur, c'est que vous n'avez pas de patron. Vous êtes votre propre boss. You are your own boss. Bon, en fait, si mon anglais n'est pas trop mal, mais il faut savoir en fait que un gros en fait avantage à travailler avec vos sites à plein temps, c'est que personnellement, personne n'est là pour vous dire quoi faire, pour vous dire comment faire. Vous êtes entièrement libre de choisir les méthodes de travail qui vous conviennent. Vous êtes libre d'organiser en fait votre journée et vous ne dépendrez plus de telle ou telle personne. Donc, fini les réunions, les rendez-vous interminables, à moins que en fait, vous ayez une équipe derrière que vous dirigez. Et donc, on travaille en fait à son propre compte, on n'a plus la pression d'un patron ou de collègues. Donc, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de stress. Oh, oui, vous aurez plus de stress parce que la vie de l'entrepreneur, c'est le stress au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment de stress, il faut savoir que c'est quand même aussi des leçons de vie qui vous font en fait apprendre ce qui est essentiel, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis forcément, ça vous forge quand même à être meilleur. Par exemple, voilà, genre, je n'ai pas de boss, vous vous réveillez, vous dites, bon, aujourd'hui j'ai reçu mon site, je ne veux pas peut-être vendre de produits, aujourd'hui genre, je veux juste rédiger en fait un article qui va en fait permettre aux gens juste de découvrir par exemple une nouveauté. Tout oui, c'est vous qui fixez. Pendant qu'un patron va vous dire non, il vous fait ceci. C'est vous qui êtes libre en fait de faire ce que vous voulez. Ensuite, le cinquième point, c'est que vous êtes libre en fait de choisir vos projets. Ça va de pair en fait avec le projet précédent, le point précédent. Parce que travailler en fait à votre propre compte va vous permettre genre une totale liberté dans le choix de vos projets et des niches en fait dans lesquelles vous souhaitez vous lancer. Donc cela pourra être autant de niches passion que des niches à fort potentiel de monétisation. Ensuite, étant curieux, moi je me suis aventuré un peu dans de nombreuses thématiques pour voir en fait ce qui marche afin de tester un maximum de choses et de découvrir en fait des opportunités. Et donc ça m'a permis d'abord de prendre du temps, comme je vous l'ai dit, depuis 3 ans. C'est pas pour rien, parce que j'ai vraiment pris le temps de parcourir un peu les trucs. Donc ça m'a permis quand même genre, de faire de pas mal de découvertes. Et donc je recommande quand même d'avoir un certain nombre de boutiques, un certain nombre de sites. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est vraiment pour tester en fait ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de savoir où c'est plus facile pour vous et puis où en fait les gens sont plus flexibles. C'est vraiment compliqué. Et vous allez vous dire un seul et tout, et puis maintenant il me demande. Non, c'est impossible. Ensuite, il faut savoir quand même, genre, on n'est jamais à l'abri d'une pénalité Google. Donc, la fermeture de vos sites, lorsque vous allez tomber, genre, lorsque vous allez peut-être mettre plusieurs niches ensemble, vous serez en fait considéré comme un robot, et puis on va tout simplement fermer votre site. Le sixième point, en tout cas, par rapport toujours au cinquième point, il faut savoir quand même que le plus important, c'est que en fait vous soyez quand même épargné en fait dans vos projets dans lesquels vous investissez et les niches quand même soient un minimum profitable. Le sixième point, c'est que c'est vraiment un univers passionné d'apprentissage constant. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez apprendre de nombreux métiers du web. Parce que lorsque vous êtes e-commerçant, vous devez être assez polyvalent. Vous avez la gestion de site, vous avez la rédaction web, vous avez le référencement naturel, vous avez le web marketing, vous avez le copywriting et plus encore, même le graphisme. Vous devez être hyper polyvalent. Un e-commerçant rentable, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait une formation d'e-commerce et puis ça s'arrête là. Non, point. Vous devez être quand même un minimum équilibré dans tout ça. Dans tout ça, vous devez être un minimum équilibré parce que dès le début, vous n'aurez pas forcément les moyens ou bien les ressources nécessaires pour pouvoir embaucher en fait des gens qui sont vraiment des pros en fait dans cette niche là ou bien pas dans ces activités là. Et là dit que ça sera un peu compliqué et donc vous n'aurez pas la nécessité, genre vous n'êtes pas quand même obligé de devenir un expert, mais comme je l'ai dit, un minimum quand même équilibré. Et voilà quoi, tant en fait que vous maîtrisez genre les tenants et les aboutissants genre de votre projet, vous serez quand même dans la mesure de pouvoir déléguer genre certaines tâches en fait à des spécialistes de tout ce que je viens de citer. Et donc je dirais en fait que le métier en fait où vous devez entrer, genre vous devez être quand même vraiment hyper calé, c'est le référencement. C'est le référencement, ça, c'est le SEO, parce que vous n'aurez pas tout le temps de l'argent genre pour faire tourner les pubs. Et donc le SEO, c'est un peu comme je le dis souvent, une graine que vous plantez dans le sol. Et en fait, l'arroser à chaque fois avec des publications, avec des stratégies SEO, avec tout ce qui sera optimisé, ça va faire en fait grandir cette graine-là pour devenir en fait dans quelques mois, dans quelques années, sur un grand arbre dont vous pourrez en fait jouir des fruits. Et donc c'est un peu ça le SEO. Vous allez faire des publications à chaque fois. Et puis avec le temps, ça va grandir. Donc voilà, en effet, il faut savoir quand même que le référencement naturel, quand même, genre, c'est la clé pour acquérir quand même une excellente visibilité, genre, sur le moteur de recherche. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre, genre, de vous démarquer, en fait, des sites où, où ils sont tout le temps en pub payante, bien sûr. Et voilà, si vous êtes curieux et que vous n'avez pas peur d'apprendre de nouveaux métiers, il faut savoir que les sites de niche, ça vous correspond très très très bien. Et donc en fait, en vous lançant en fait dans cette aventure, vous allez décupler en fait vos compétences. Vous ne saurez pas à quel moment vous avez appris ceci, vous êtes allé vers ceci en fait pour pouvoir apprendre. Et donc vous allez mieux comprendre le web ainsi que le fonctionnement genre de chaque site. Et donc maintenant, il faut retenir quand même qu'avec le temps, vous allez pouvoir quand même monter un business solide et épanouissant pour générer en fait des revenus confortables et vous permettra genre de mettre en place des stratégies qui vont être toujours beaucoup plus prometteuses. Septième point, je pense que nous avons quand même j'en avais déjà parlé, c'est intimement quand même lié aux autres, c'est un moyen quand même de s'épanouir parce que vous allez générer de l'argent, forcément vous allez être épanoui. Maintenant, les 5 bonnes raisons de se mettre, genre de faire en fait ce parcours que vous avez fait. Je pense que je ne vais même pas détailler ça parce que je pense que vous savez très bien ce dans quoi vous êtes aventuré. Maintenant, je vais quand même vous donner genre 5 points quand même essentiels que vous pouvez utiliser peut-être plus tard dans vos fiches produits qui vont convertir quand même les clients bien. Les prospects que vous allez toucher, ça va quand même les influencer quand même à acheter sur votre site. C'est que la première raison, vous travaillez avec Amazon. Amazon, c'est quand même numéro 1, genre, c'est le leader du marché. Quand on pense quand même au e-commerce, il faut savoir que le premier acteur qui vient à l'esprit, c'est Amazon. Et donc, c'est le leader incontesté, genre, du secteur. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, au Canada, au Japon, il est coude à coude avec tous les sites. Par exemple, quand nous prenons par exemple le marché de l'Inde, eux ils ne connaissent que Flipkart. En Inde, c'est le leader genre en Inde. Mais Amazon, genre, c'est le leader du monde entier. Mais ils sont coude à coude par rapport à Flipkart en Inde. Je ne sais pas trop si vous me percevez. Il faut quand même savoir que genre, c'est le leader. C'est quand même, il faut savoir. Donc, il faut savoir que genre, le créateur, c'est Jeff Bezos. Vous le savez tous. Je ne vais pas détailler ça. Donc, En tout cas, le succès d'Amazon, pour moi, ça réside dans le fait que déjà, on lui trouve tout ce dont on a besoin. Le support client, il est très apprécié par tout le monde parce qu'il répond aux gens. Il y a une politique de remboursement qui est très flexible. Les durées de remboursement ne sont pas longues. Vous pouvez en fait utiliser ces points-là, genre dans vos arguments, une fois après, quand nous serons dans les fiches produits. Donc, vous voyez, la généralité, ce n'est pas un truc qui vous appuie. Il y a des éléments dedans qui vous permettent quand même, genre, de passer à un niveau supérieur ou bien quand même genre, de convertir assez de clients. Et donc, Amazon est à son prime. Quand il est à son prime, c'est que son programme de fidélité est très avantageux. Vous avez des livraisons qui sont express. Des fois, les livraisons, c'est une question de jour. Nous avons les Prime Day, ou les Prime Day, pardon, où les prix des produits, ça baisse. Et donc, vous avez le Black Friday, vous avez quand même des promotions régulières. Ensuite, il y a le programme Amazon dans lequel vous êtes actuellement. C'est un programme quand même qui permet genre, de rentabiliser parce que nous, en fait, c'est un peu comme si on travaillait pour Amazon. Vous voyez, donc forcément, il y a plus de ventes pour eux quand même. Je pense qu'ensuite, il y a une très belle expérience utilisateur qui est parfaitement optimisée. Et ensuite, il y a la meilleure logistique. Donc, voilà. Maintenant, en généralité, comment choisir une bonne niche? Il faut savoir quand même que c'est une question qui revient souvent quand les gens débutent. Comment trouver une bonne niche? Une bonne niche, pour la trouver en fait, pour trouver la niche en or, il faut quand même réunir en fait plusieurs ingrédients qui sont indissociables. Par exemple, nous avons un nombre de recherches quand même suffisamment important. Votre niche, les gens doivent quand même rechercher en fait les produits de cette niche-là de façon conséquente. Ils doivent quand même avoir un gros volume de recherche par rapport en fait, aux produits de votre niche. Très important. Ensuite, vous devez savoir qu'il faut une faible concurrence SEO. Le point qui vient ensuite, c'est un produit qui se vend bien. Et un produit qui se vend bien égale bonne conversion. Le point suivant, c'est que nous avons la rémunération qui est assez intéressante. Donc, prix du produit plus pourcentage de commission. Et ensuite, nous avons une niche durable. Vous n'allez pas vous mettre dans une niche qui est en train de mourir ou bien une niche carrément que personne ne calcule. Donc, vous voyez, il n'y a pas une stratégie particulière ou bien il n'y a pas des chiffres particuliers qui vont vous montrer que, ah oui, cette niche-là est la meilleure. C'est vrai, on entend dire, oui, la niche high-tech, c'est la meilleure et tout, mais il n'y a pas de meilleure niche. Pas de meilleure niche. Le plus important, en fait, c'est que vous fassiez quand même des recherches, un minimum de recherches sur la multitude des niches qui existent, que vous choisissez en fait les produits qui vous intéressent quand même, genre de cette niche-là. Et voilà. Ensuite, c'est vous qui voyez comment. Genre, parce que la niche aussi, il faut savoir que c'est une question de. C'est un peu une question de ce que vous voulez versus ce qu'il vous faut. Nous allons développer ça quand vraiment nous allons venir genre, sur la niche de façon concrète. Là. C'est juste la généralité. La généralité, ce qu'il y a de la généralité ne reviendra en fait plus dans le monde. Donc, il va falloir vraiment être assez attentif. Et donc, quand on souhaite en fait se lancer dans une niche, il faut en fait se poser les bonnes questions. Et il ne faut pas se précipiter. Donc, voilà. Parce que la moindre erreur au niveau en fait de la sélection de votre niche peut se transformer en échec de votre projet total. Parce que pour se donner en fait toutes les chances de réussir, il faut vraiment répondre de façon positive en fait à tous les points cités plus haut. Et puis pour vraiment choisir en fait une niche, il faut vraiment répondre à ces cinq questions que j'ai vraiment, bon, questions de points que j'ai énumérés en haut. Le nombre de recherches suffisant, important, faible concurrence, etc. etc. etc. Donc, l'intention commerciale aussi compte. Il faut savoir qu'il est indispensable que la niche ait une vocation commerciale avant tout. Et donc, si vous souhaitez faire un site d'information pour générer un masse de trafic, puis éventuellement le monétiser, ça ne va pas le faire. Donc, vous devez vous focaliser sur une niche de produits avec un produit qui se vend bien. Une niche de produits avec un produit qui se vend bien. Donc, un produit qui se vend bien, la première règle, c'est que pour avoir un site de niche qui marche et qui convertit, c'est de se focaliser sur des articles ou des services qui se vendent bien en ligne. Et qui se vendent bien en ligne, ça veut dire que si tu viens, genre, de trouver une niche que tu trouves sympa, mais que le produit se vend très peu, ça veut dire que il y a forcément une certaine anguille sous roche. Parce que c'est un produit qui a tendance, genre, en effet, genre, comme je viens de le dire en haut, certains produits en fait ont tendance à se vendre mieux que d'autres. Et donc, il y a des produits qui se vendent mieux en magasin qu'en ligne. Et il y a des produits qui se vendent mieux en ligne qu'en magasin. Et donc, en fait, il faut savoir que vous pourrez en fait vous focaliser sur des niches dont les articles disposent d'un grand nombre d'avis en ligne pour maximiser les conversions. Et donc, le nombre de recherches, il faut savoir que l'intérêt porté par les consommateurs à une niche est très important. Donc, plus il y a de recherches par rapport à cette niche-là, mieux c'est. Et pour ce facteur, on va tout simplement se baser sur des recherches mensuelles effectuées par les internautes sur Google FR pour savoir sur ce qui marche. Et donc, moi, je vais vous recommander d'utiliser un des outils que je vais citer. Je vais vous en citer 5. Vous avez KW Finder que je vais mettre. Vous avez KW Finder. Vous avez SE Cockpit. SE S majuscule E majuscule C majuscule OCK PIT. Vous avez Yoda Insight. Yoda Y2ODA espace Insight INSIHT. Vous avez Ransplorer, R-A-N-S-P-L-O-R-E-R. Et vous avez Uber Suggest. En fait, chaque outil en fait, que je viens de citer dispose de ses propres sources pour pouvoir évaluer le nombre de recherches mensuelles effectuées sur un mot-clé. Parce que vous savez, une niche a forcément des mots-clés. Et puis quand on parle de mots-clés, en fait, ce sont des mots ou bien un groupe de mots assez court qu'ils soient quand même qui vous permettent de trouver en fait cette niche. Par exemple, quand on peut-être prendre la niche mode, par exemple, on pourrait dire que par rapport à cette niche là, les mots clés ou bien les mots que les gens peuvent toucher pour pouvoir trouver en fait des produits par rapport à ces habits là, ça sera peut-être exemple vêtements des femmes, exemple fashion, quoi encore, par exemple vêtements pour hommes, on peut avoir suite, on peut avoir jupe, on peut avoir chemise. Vous voyez, genre, c'est des mots-clés. Il faut savoir en fait, que ce sont des mots que les gens sont susceptibles de rechercher pour pouvoir trouver en fait, certains résultats. Donc, de ce fait, en fait, quand vous prenez une niche, vous pouvez réfléchir. Vous vous mettez en fait, à la place des gens. Si c'était moi, quels sont les mots-clés ou qu'est-ce que je vais rechercher par rapport à cette niche-là? Quels sont les mots que je peux taper qui me permettent de trouver en fait, ces mots-clés? Pour pouvoir trouver en fait des produits genre de cette niche. Donc voilà comment vous devez en fait vous prendre. Donc si en fait le mot-clé principal de la niche compte plus de 10 000 recherches mensuelles, c'est une très bonne chose. Et donc personnellement quand même, moi je vise des niches comptabilisant au moins 5 000 recherches quand même mensuelles pour KW principal. Et donc même si en fait ça peut paraître peu pour certains, je ne vais pas quand même hésiter à me lancer en fait dessus. Parce que si les conversions et les commissions sont élevées, et la concurrence SEO, elle est très faible. Et donc, une très faible concurrence, c'est que maintenant que vous avez en fait votre niche disposant d'un nombre de recherches assez satisfaisant et que les produits se vendent comme des petits pains, vous devez savoir que vous êtes obligé de devoir effectuer une analyse de la concurrence. Vous avez trouvé la niche. Maintenant, il faut quand même évaluer la concurrence. Donc, étant donné qu'on va chercher en fait, à se positionner en fait, dans les résultats de recherche naturelle de Google, il est primordial de sélectionner une niche où on va pouvoir se ranker assez facilement. Et donc, bien ranker une niche compétitive reviendra en fait à faire beaucoup d'efforts. Et donc, il peut s'avérer complexe, très cher et très long. Alors, pourquoi ne pas se focaliser directement sur des niches qui sont faciles, qui sont faciles d'acheter? Parce qu'on veut rentabiliser sur le coût. Ensuite, analyser quand même la compétitivité d'une niche est devenu quand même un jeu d'enfant aujourd'hui lorsque vous avez les trois outils que je vais vous citer. Outils qui vont revenir, outils que j'ai déjà cités en gros, par exemple, vous avez, comme je l'ai dit, le SE Cockpit, vous avez le KW Finder et vous avez Uber Suggest. Ça vous permet d'analyser la compétitivité par rapport à une niche. Et donc, il vous délivre en fait un score de compétitivité qui vous permet en fait d'interpréter en toute simplicité la difficulté en fait à se positionner sur un mot-clé. Quand nous parlons de niche durable, il faut savoir que c'est le dernier élément important à prendre en compte quand on se lance en fait dans une niche. Et par rapport à ça, en fait, il faut s'assurer que la niche, en fait, elle soit exploitable sur le long terme. Parce que étant basé en fait sur la visibilité genre de Google, étant basé sur la visibilité de Google, le business en fait du site de niche en fait est structuré de sorte à ce que vous devez gagner de l'argent sur le long terme. Si c'est pas sur le long terme, c'est à court terme, ça ne sert à rien. Et donc, il vous sera vraiment primordial, genre de sélectionner une niche. Une niche vraiment evergreen, c'est-à-dire un produit quand même genre, qui marcherait bien, genre, qui marchait bien dans le passé, qui marche bien maintenant et que genre, vous estimez que ça marchera encore bien dans le futur. Ensuite, vous devez savoir que voilà, genre, ces trois points-là sont vraiment essentiels pour le choix de sa niche. Et donc, il conviendra d'éviter en fait des niches éphémères qui évoluent très vite et qui tombent rapidement dans l'oubli. Maintenant, comment évaluer la rentabilité d'une niche Amazon? Prédire combien va nous rapporter en fait un site peut être assez compliqué en termes de mesure. Parce que on ne peut pas savoir quelles sont en fait nos positions exactes dans le futur. Parce qu'elles vont changer tous les jours. Ce que vous avez utilisé comme stratégie aujourd'hui peut ne plus marcher demain. Et donc, par rapport à ça, il faut savoir que vos taux de conversion ne seront pas avec précision. On ne peut donc pas se reprocher le plus possible en effectuant un calcul simple. Genre, on peut s'en rapprocher en faisant des calculs simples. D'abord, on se base sur le nombre de recherches sur la niche, quand même, genre, je veux dire sur les 10 premiers mots-clés principaux, sans prendre en compte la longue traîne. Ensuite, le taux de clics en fait dans les résultats de recherche de Google, le taux de conversion, le panier moyen et la rémunération Google. C'est des facteurs en fait que vous devez prendre en compte pour pouvoir évaluer la rentabilité d'une niche. Comme je l'ai dit, il faut prendre en compte le nombre de recherches, le taux de clics dans les résultats de recherche de Google, le taux de conversion, le panier moyen et la rémunération Amazon. On va faire par exemple un calcul optimiste. En se basant par exemple sur une troisième position, sur des mots, genre sur des principaux mots-clés de sa niche, on a par exemple un clic, un CTR moyen par exemple de 10%. Genre dans, par exemple, une personne sur 10 clique sur votre lien genre dans les résultats Google. Il s'agit donc d'un site de niche qui a quand même atteint sa maturité. Et donc, les taux de conversion varient en fait en fonction de chaque niche. Et de chaque niche, ça varie. Donc, la moyenne en fait de, par exemple, moi, de tous mes sites affiliés, par exemple, ils représentent, disons, 3,86% en 2021. Et on va partir sur le moyen global de 3,50% par exemple, enfin. Donc, pour pouvoir en fait évaluer en fait, genre, le panier moyen, genre, je fais en moyenne des produits de best-seller, je fais en moyenne genre, des 5 produits best-seller sur Amazon.fr. Donc, pour que en fait, cela soit plus, pour que cela le plus soit parlant, on va faire un calcul de rentabilité de 5 niches sur des thématiques différentes en fait, en se basant sur des data de par exemple KW Finder. Ensuite, quels sont les produits à recommander en fait à vos prospects? Personne ne vous dira l'un vous diront le produit que j'ai vendu et qui marche actuellement bien, genre, c'est tel produit. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de produit gagnant, c'est à vous-même, genre, de peu importe le produit, il faut quand même proposer, genre, aux gens un produit qui vraiment leur est utile. Vous voyez, si vous ne proposez pas un produit utile aux gens, ça ne servira à rien. Donc, quand même, choisir les bons articles à mettre en avant, genre, sur votre site, va être, disons, relativement simple, ça va être très simple parce que je vous recommande déjà d'éviter en fait de vous focaliser à la fois sur les produits les plus vendus parce que les produits les plus appréciés par les gens vont forcément être vont vraiment être source de beaucoup plus de concurrence et donc pour cela il va falloir en fait vous baser tout simplement sur les avis laissés en fait par les clients Amazon. Parce que c'est vrai, la concurrence elle est forte, mais si elle est forte, c'est que vous avez quand même des chances aussi genre, de vendre ce produit. Et pour trouver quand même si un produit est vraiment apprécié, il faut voir les avis que les clients laissent sur Amazon. Et en fait, plus le nom de la ville est important et plus sa note est élevée, mieux c'est. Donc, il faut vraiment faire attention à ça aussi avant de choisir vos produits. Sélectionner en fait ces articles naturellement est une bonne chose. Manuellement, genre, naturellement et manuellement, genre même vous levez, vous dites, bon, je veux vendre tel produit, c'est une bonne chose. Parce qu'on va pouvoir en fait s'assurer de la qualité en fait, et la popularité de vos produits par rapport en fait, à vos recherches. Vous avez la possibilité vous-même genre de faire acheter un produit à quelqu'un, même s'il n'a pas forcément envie. Vous voyez? Donc, voilà. Le bémol, c'est que quand on va choisir en fait statique manuellement, c'est qu'ils seront un jour ou l'autre en rupture de stock. Parce que vous savez, le produit que vous allez choisir, d'abord, il faut s'assurer d'abord que, vu que le produit en fait n'est pas en train, je suppose, n'est pas en train d'être trop vendu, imaginez, il n'y a pas assez dans les stocks d'Amazon. Imaginez, il n'y a pas assez en stock. Et que vous commencez en fait à générer des ventes. Et que vous avez plusieurs ventes. Et qu'à un moment donné, les clients, ils cliquent sur vous. Si vous voulez un filet que vous commandez et que c'est en rupture de stock, ça ne marche pas. Donc voilà.